Une fois par mois, de 17h à 18h, calez votre transistor sur Fadjet 94,2 en modulation de fréquence pour écouter un coup d'œil dans le rétro. Bonjour à tous et bienvenue sur le 94.2. Vous êtes à l'écoute de Fadjet. Nous sommes le vendredi 17 mars 2017 et bonne fin d'après-midi à tous. C'est un coup d'œil dans le rétro. Une fois par mois, nous décryptons toute l'actualité du rétro qui fait son grand retour depuis plusieurs années. On vous informe sur les tendances musicales, la mode, la déco, mais aussi les loisirs, les sorties au niveau local et national. En somme, une émission où on vous parle du passé au présent. Alors on s'amuse, on est une belle petite équipe maintenant, là dans les studios on est pas mal, on est 2, 4, 5, 6 et 7 avec une invitée en plus, ça fait pas mal de monde, mais il y a aussi les chroniqueurs habituels. On va commencer par les femmes, hein, Jack, je suis désolé, c'est comme ça, ça se passe, bah oui c'est ainsi, bah, il y a la légendaire Anaïk, l'unique qui est là depuis 3 ans déjà. Ça va Anaïk? Oui ça va bien, bonjour. Bonjour à toi, tu vas nous donner le sommaire d'ici quelques instants. Il y a aussi depuis quelques temps, elle nous a rejoint, c'est notre Christelle, elle est arrivée genre une minute avant la prise d'antenne, c'est un peu comme ça les stars, ça arrive une minute avant, ça se fait désirer. Ça va Christelle? Ça va, oui, merci. Voilà. On n'a qu'un micro pour 4, on est pauvres ici dans les studios, donc du coup il faut se passer le micro, donc vous entendrez peut-être à l'antenne des petits passages de micro comme ça. Et il y a aussi notre blogueur auto-national qui revient là de... Paname. De Paris, c'est Jack. À Paris. C'est Jack qui nous revient de Paris. Et donc aujourd'hui, quel va être le sommaire? Alors les amis, aujourd'hui, on va parler de beaucoup de choses. On va bien sûr faire un gros coup d'œil sur nos invités du jour, Laura et Adrien, qui vont nous parler de leur événement Frip Show, qui aura lieu, si je ne m'abuse, le 8 avril. Donc bonjour à vous. Bonjour. Bonjour. Voilà, passage de micro, cassage de dents. Je vais les mettre dans le nez. C'est ça, c'est les risques. Aujourd'hui, ça va être ça à l'antenne. Bon, on est en fin de journée, le week-end arrive. On va essayer de ne pas se casser les dents. Hein, parce qu'on se passe les micros pour tout vous expliquer dans le studio. On a un micro et il y a chaque fois deux personnes par micro. Et donc, le moment qu'on tourne les micros. On a fait des duos, en fait. Voilà, des petits couples de micros, en fait. C'est aujourd'hui. Ça. Nos invités du jour, Frip Show, on en parlera d'ici quelques instants. On parlera évidemment aussi mode avec le retour du trench, donc pour le printemps 2017. On est un petit peu entre deux saisons. Il commence à faire beau sur Nancy, mais demain il fera plus froid. Donc comment on s'habille? Comment? Il fera froid demain? Oui, normalement, oui. Je suis vraiment la météo, moi. Le week-end en fait. Va pas ouais. être top. Ouais. Et puis bah bien sûr, bah Jack nous fera une chronique. Ce sera sur quoi du coup aujourd'hui? Ah, aujourd'hui on est le 17 mars. Ouais. 17 mars, sortie du dernier album de Depeche Mode. On va revenir sur l'histoire du groupe anglais. Ouais. On va parler de tout. Je vais tout énumérer. Je vais tout vous raconter. Oui, parce que je connais, mais je connais pas tant que ça. Ah bah dites donc, bah je vous félicite pas. Écoutez, je ne connais pas tout. Ouais. Ah bah dites donc la culture. Et puis il y a notre petite voyageuse qui revient du Pérou, c'est ça? Donc du Pérou, ouais, Pérou, donc Bolivie. Qui va nous parler de la lambada. Alors là, j'ai beaucoup de mal comme ça d'avoir le lien. Mais tu vas nous l'expliquer. T'es surprise. Je te vois pas avec ton petit bonnet aussi péruvien. Non, t'as pas mis ça? Non, c'est tellement... comme dans la pub, c'est pour les saucisses là. Les trucs. Tu vois ce que c'est quand même. Tu vois ce que c'est, Christelle? Ah oui, oui. Alors, les saucisses. Je sais, il y en a peut-être qui en portent autour de la table, mais c'est moche, non? On est d'accord? Ça fait un peu bébé. Ouais. C'est d'un. Parle devant le micro, on t'entend pas. Ça fait un peu bébé. Ah bon, oui, parce qu'il y en a qui. Oui, non, mais c'est vrai, c'est pas trop beau. Hein, c'est pas. Bah, c'est typique, quoi. C'est typique. Oui, c'est typique, rue Jean Jaurès. Je sais pas si il y a beaucoup de Péruviens là-bas. Hein. Bon, et donc, on finira évidemment par les sorties qu'il y aura à faire dans le coin dans les prochains jours, les prochains week-ends. Voilà. Ok, donc un beau programme, les amis, on est ensemble jusqu'à 18h. Il est 17h04. Prenez le temps, c'est la fin de journée, le week-end arrive. Vous allez certainement en profiter. Et donc, on va commencer tout bonnement cette émission par qui? Par nos invités. Alors voilà, on vous met une petite musique, on est comme ça ici, nous ne sommes pas avares en musique les amis, nous les recevons, c'est un peu leur première radio si je ne m'abuse. Pour l'événement en tout cas, ouais. Pour l'événement, mais vous avez, voilà, toi Adrien t'avais fait un petit peu de radio. Ouais déjà voilà, un petit peu de radio, mais il faudra parler tous les deux Laura, voilà c'est comme ça. Tu seras obligé. Oui, elle aime pas trop. Elle aime pas trop. Alors, on va parler de Frip Show. Donc, Frip Show, c'est une friperie ambulante, n'est-ce pas? C'est ça? Yes. Éphémère? Éphémère. Oui, éphémère. C'est-à-dire qu'elle prend, vous prenez possession d'un lieu. Ouais. Là, en l'occurrence, ça sera la plantation, pardon. Mm-hmm. Et vous restez le temps de l'événement. Et après, hop, on remballe tout et on va ailleurs, c'est ça ? C'est ça. Alors, dites-nous-en un petit peu plus. Comment est venue l'idée d'organiser ce type d'événement ? Eh ben, déjà, on avait envie de partir sur justement un concept éphémère. Enfin, c'est quelque chose qui nous branchait en fait tous les deux. Ouais. On avait aussi parlé à une période de boutique. Et de rester du coup sur place, ouais. Avoir une boutique. Ouais. Et en fait, d'accord. C'était assez compliqué à mettre en place sur Nancy. Ouais. Parce que le marché est compliqué, on le sait, compliqué. Au niveau des commerces. Donc, ouais, c'est ça. Et en fait, l'éphémère était pour nous une bonne alternative. Ouais. Et ça nous permettait aussi de pouvoir bosser avec différentes personnes. D'accord. Parce que l'événement, en fait, Fripe Show, ne sera pas forcément concentré que sur la fripe et les objets. Il y aura aussi des intervenants qui seront là, donc à savoir. On va avoir un pâtissier qui sera Mathieu Hugelet. Ouais. On aura un photographe Nicolas Léonard. On aura aussi, alors c'est une association de musiciens, c'est ECEPP. D'accord. Voilà, qui vont nous faire la musique un peu swing, jazz, blues. Ils vont faire une jam en fait. Il y aura de la jam aussi. Ouais. Qui d'accord. Et sur le thème, notre thème en fait, rétro. D'accord. L'idée c'est de pouvoir en fait avoir différents artistes aussi qui bossent avec nous sur l'événement. D'accord. Donc, alors, moi, j'ai une petite question aussi d'entrée de jeu. Est-ce que c'est simple d'organiser ce genre d'événement ? Parce que, donc, au niveau des vêtements, par exemple, c'est des vêtements que vous trouvez où et comment ? C'est vous qui chinez tout, en fait, c'est ça ? Ouais, c'est récolte. D'accord. C'est ça. Ah, c'est vous ? Vous allez chez les gens ? Vous passez des annonces ? Non, alors, en fait, non, parce que du coup, c'est la différence. Là, on est vraiment une friperie. La différence avec ce que tu peux retrouver dans les... Vide dressing. Mmh, voilà. Oui, parce qu'il y en a quand même pas mal. Voilà, ça se développe, les ouais. Vide dressing se développent vachement. Ça, c'est pas le concept en fait. On est vraiment sur la friperie, donc d'accord, on se fournit auprès de pros en fait. Voilà. Donc c'est des fournisseurs et c'est à nous après de faire tout le taf de. Donc c'est vraiment de la friperie parce que moi je regardais en fait sur le. Voilà, la définition de la friperie par excellence, en fait, c'est de trouver en fait une fringue qui date vraiment de l'époque à laquelle elle a été créée. Donc là, ça sera vraiment en fait, en l'occurrence, si on parle de vêtements, de vêtements voilà, qui datent de l'époque à laquelle voilà, ça a été fait. D'accord, ok. Mais il n'y aura pas que des vêtements en fait lors de la Fripe Show. Ouais. Non, alors, c'est ce qu'il disait juste avant. Ouais, donc, en fait, pâtissier. Si tu veux, voilà. Enfin, je veux dire, il y aura aussi des objets, il y aura des accessoires, ouais, voilà, c'est plus. Ouais. C'est ça. Des sacs à main. D'accord. Des bijoux, Il y aura même fortement aussi. Enfin, c'est possible qu'il y ait des affiches, des cartes postales. D'accord. Donc, ouais, l'objet déco, on l'a dit. Et le choix du lieu ? Et le choix du lieu, en fait, ça s'est fait en cherchant un petit peu autour de nous dans nos contacts. C'est la plantation, en fait, qui nous a donné ce. C'est facile d'implanter. Cette première opportunité, en fait. Voilà, c'est facile d'implanter une friperie éphémère dans. C'est un bar au départ, au demeurant. Ouais. Donc, ça sera la salle du fond, peut-être, ou c'est vous ça. Investissez tout le lieu. Alors, en priorité, ça sera la salle du fond. Et si on peut, oui. Je dis bien si on peut, on essaiera d'investir aussi une partie du bar avant. D'accord. Pendant les horaires d'après-midi. Pendant les horaires d'après-midi. Voilà. Après, dès qu'il y aura les clients, on sera vraiment que dans la pièce du fond. D'accord, oui, parce que du coup l'événement sera lieu de 14h30, c'est ça, ça commencera en début d'après-midi et jusqu'à 20h30. Ouais. D'accord. Alors on va faire une première pause musicale, on va un peu détailler ça tout au long de l'émission. Vous êtes le fil rouge, hein, les amis, donc n'hésitez pas à intervenir à gauche, à droite, sur les chroniques. S'il y en a qui lisent n'importe quoi, vous les stoppez, vous leur mettez un petit coup fort sur la tête, ils tomberont. Donc, c'est comme ça qu'on fonctionne, les invités sont les rois. Et donc n'hésitez pas à intervenir. On va faire une première pause musicale, c'est une reprise. C'est une reprise 50s, mais d'un titre assez contemporain tout de même. On va dire que là... si je vous dis, alors bateau. Je vous donne un petit indice très rapidement, Diva, Maria Carré, québécoise, Céline Dion. Alors, est-ce que tu as essayé de faire l'accent québécois là, à cet instant même? Refais-nous ça. Céline Dion. Si, c'est ça. Alors... Et le pire, c'est qu'elle le refait. Attention, c'est ça, accent. C'est ça qui me blesse. Oui, c'est exactement Céline Dion. Alors ces post-modernes jukebox, je ne sais pas si vous connaissez autour de la table, sont des reprises donc de titres assez contemporains. Bon, même si là c'est My Heart Will Go On, c'est un titre de 1997, mais la manière et la sauce 50s, et on va s'écouter juste si on se retrouve juste après. Prenez le temps les amis, vous êtes sur Fadjet, c'est un coup d'œil dans le rétro. Come to My Heart Will Go On, Postmodern Jukebox. Un coup d'œil dans le rétro, une fois par mois de 17h à 18h sur Fadjet 94,2 en modulation de fréquence. Alors, tout est dit dans le titre, bien évidemment. Un coup d'œil dans le rétro, c'est une émission mensuelle. Là, nous sommes le troisième vendredi du mois, si je ne m'abuse, nos calculs. Mais des fois, il y a cinq vendredis, donc on est un peu piégé. Oui, il y a des grands mois. C'est un peu l'idée. L'émission dure une heure. On essaye de mettre aussi en avant, eh bien, des acteurs locaux du monde, on va dire, culturel, vintage, rétro. On va essayer de, on n'est pas des fins spécialistes en la matière, mais on essaye de donner la place un petit peu à tout le monde. C'est l'idée de cette émission. Donc, n'hésitez pas à nous retrouver sur la page Facebook, 94.2, un coup d'œil dans le rétro. C'est le nom a changé, c'est Fadjet 94.2, oui. Un coup d'œil dans le rétro, et d'aller nous mettre des petits coucous parce qu'on l'aime bien. Voilà, on est un peu ringard, on fait même des dédicaces. Ah, on est comme ça. On fait même des dédicaces aux années 90, eh un ouais. peu comme ça. Tu sais, les gens appelaient, disaient, je voudrais écouter, machin, tu mets le vinyle, le temps que le vinyle, ça prenait une plombe. C'était comme ça que ça se passait. Alors, on poursuit, et comme on le dit aussi à chaque fois, on va du côté de la mode, du côté de la déco, et là, l'occurrence, c'est la mode, et c'est le retour d'un, comment dire, d'un standard. Hein, d'un basique. On doit tous l'avoir plus ou moins dans notre, ah oui, dans notre garde-robe. Eh bien, c'est le trench, n'est-ce pas, Naïk? Tout à fait, François. Effectivement, donc en ce printemps 2017 qui arrive petit à petit sur Nancy, vous allez voir un peu des trench un petit peu partout, aussi bien pour les femmes que pour les messieurs. Alors que c'était déjà revenu il y a quelques temps quand même, mais oui, là encore plus. Mais c'est un peu le, ouais, c'est un peu le. Est-ce que c'est déjà parti finalement? Alors c'est parti, mais sans trop. Voilà, ça fait partie des pièces effectivement qu'il faut garder dans son dressing, comme la petite robe noire pour les filles, ou voilà, c'est le genre de truc qu'il faut pas acheter en fait. Alors ça date de quand, le trench? Alors le trench, il est quand même, il revient de loin, hein, parce que ça a été créé en 1914 par un nom que tout le monde connaît, c'était Thomas Burberry. Donc oui. Voilà, il en a fait quand même la pièce un peu iconique de sa marque. À carreaux. À Vichy, ouais. Oui, ouais. Oui. Il en vend encore. Ah oui, non mais voilà. Il est débordé. Ça. Il est débordé. Donc ah, c'est lui qui l'a créé en fait en 1914. Donc ça date. Et il faut savoir que le trench, donc on dit normalement trench coat, ça veut dire en fait manteau de tranchée. Donc ça a toute une signification par rapport à ça. Ami. Et oui, pendant la guerre, parce qu'en fait, à l'époque, donc pendant la Première Guerre mondiale et la Seconde Guerre mondiale, il était utilisé en fait par les officiers, donc les officiers des différentes armées, que ça soit français, soviétique, même les nazis aussi. Les Allemands, ouais. Voilà, les Allemands. Et il descendait, en fait, il était plus long à l'époque, il descendait à peu près à mi-mollet. Donc, je sais pas si vous visualisez. Oui, parce qu'il y avait des bottes après. Les bottes prenaient le relais en fait. C'est très long. T'en vois ouais. encore des gars comme ça qui passent avec des trench très longs. Très longs. Tu te dis, bon, oui. Je vais pas lui parler. C'était nostalgique. C'est ça. Un peu flippant quand même. Hein. C'est vrai que t'en vois. Et dans les années 50, le trench était quand même. Il était porté un petit peu différemment, non? Alors dans les années 50, oui. Donc après, on est. Voilà, la guerre, c'est fini. Dans les années 50-60, donc le trench donc, a commencé à être porté en fait dans les villes, donc par les civils. Aussi bien, donc à la base, c'était un manteau effectivement masculin, mais après les femmes ont commencé à le porter. Donc c'est vraiment mixte en fait, le trench. Dans les années 60 et 70, donc il y a Yves Saint Laurent en fait, oui, qui en a fait vraiment une pièce, un élément récurrent dans ses collections. Et puis dans les années 70, il est devenu effectivement, et on retrouve encore le mouvement punk, il est devenu dans les années 70 vraiment un article de mode. Mais c'est incroyable en fait, le ouais. mouvement punk à chaque fois est à la pointe de la mode. Hein. On a parlé du Bomber. Le punk est branché. On a parlé du... Alors c'est toujours un petit peu limite quand même, hein. Les bombers, c'est... enfin le mouvement est quand même un peu extrémiste. Oui, c'est pas faux. Il y a des débordements. Les vêtements associés sont pas non plus, sont un peu dans l'idée, quoi. Alors après les punks, il y a eu évidemment, on passe un peu au gothique, parce que les gothiques aussi, dans les années 80-90, tout ce qui était musique gothique, métal. Donc, alors eux, par contre, ils portaient plus, et c'est là que je voulais faire un petit peu la différence, ce qu'on appelle en fait un autre manteau qu'on appelle le Duster. Donc rien à voir avec la voiture qu'on connaît tous aujourd'hui, oui, qu'est-ce la marque que c'est, de voiture en fait. Donc en fait le Duster, c'était... ça ressemble un peu comme un trench, sauf que c'est une espèce de cap en fait sur le ah sur oui. les épaules. Ah oui. Et pour faire simple, c'était un peu comme les cow-boys en fait. Ah mais non, c'est le manteau du cocher. Eh oui, le cocher. Voilà, et ça s'appelait un Duster en fait. Eh oui. Petite différence les cow-boys avec aussi avaient, les cow-boys, oui, dans le western. Qui rajoutait ouais. le cow-boy cocher. Voilà. On l'appelait comment en français ce Duster? On l'appelait comment en français le Duster? Ça s'appelait un cache-poussière. Et pourquoi? Bah parce qu'en fait. Ça enlevait la poussière. Ouais. Voilà, incroyable. C'était la petite info en fait. D'accord. Voilà, voilà. Alors, c'est, oui, comme tu disais, c'est les cow-boys. Et généralement, il y avait une couleur qui prédominait sur, sur ces types de vêtements. Alors, à l'époque, c'était plus du marron ou du crème. Bah, évidemment, les gothiques, ils étaient plus dans le black. Rose, dans le noir, rose, jaune. Voilà. Et donc, alors, comment aujourd'hui, en 2017, on arrive au printemps, bon, il va pleuvoir, tout ça, on l'utilisera un petit peu plus à cette occasion, on peut le porter? Alors, en 2017, eh ben, voilà, le trench va ressurgir dans les vitrines de nos boutiques nancéennes. Donc, vous pouvez éventuellement le porter donc, avec une ceinture qu'on peut attacher en fait, au niveau de la taille. Ça ouais. permet un peu de déstructurer l'aspect un peu trench. La mode aussi de l'oversize, donc, c'est-à-dire trop large en fait. Voilà, ça je ne peux pas mettre ça moi. Mais si, trop large, si. Non, mais c'est plus féminin là pour le coup. Oui, non, mais... non, mais attends, je suis taillée dans, comme non, mais voilà, une allumette. Quand tu es taillée comme une crevette, large, tu ne peux pas effectivement mettre ça. Mais dis-nous, François, il est sous son manteau. Ah merde, je croyais que c'était Batman. J'ai cru que c'était un campeur, t'es le mec qui... Non, mais la mode de l'oversize, voilà, la mode du trop large, en fait, pour le trench, ça marche aussi. Et pour le coup, faut le coupler avec d'autres pièces un peu larges, que ça soit une chemise ou un pantalon, ça ferait, ça fait vachement bien. Parce en fait. Que le large, c'est typiquement les années 90. Hein. Moi, mais qui oui, suis vieux, oui. Et ben, dans les années 90, exact. On avait tous des pulls très larges, des baggies, enfin, c'était assez, enfin, les pantalons assez larges. C'était pas une mode qui me mettait en valeur, hein, moi, en ce qui me concerne. Depuis que le slim est revenu avec la moustache, bon, voilà, on me donnait un peu de fric. Hein, faut donc, pour revenir au trench, donc voilà, vous pouvez le porter comme ça. Vous pouvez aussi le porter en fait avec une petite robe en fait pour donner un aspect un peu plus cool en fait à une tenue qui serait peut-être stricte. D'accord. Et à l'inverse, par contre, vous pouvez l'utiliser pour habiller une tenue décontractée, donc jean, basket et tout. Ça peut faire assez sympa. On essaiera de mettre une petite photo sur la page Facebook pour illustrer et donner des idées à nos auditeurs. Donc c'est ton conseil mode du jour. Oui. Voilà, enfin, du mois. Oui, du mois. Mais il se prête bien certainement aussi avec, avec le climat. Hein, et je trouve que par contre, pour les hommes, ça fait assez classe. Moi, oui, ça fait classe. Moi, je le mets avec des baskets. Sauf que j'ai toujours le truc si en tête. Peux, c'est classe, ouais. Et on en trouve plein dans les friperies et autres. À Paris, dans le Marais, dans toutes les boutiques un peu de Kilo Shop et compagnie, il y en a des tonnes. Et on en trouvera peut-être. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Et voilà. On en trouvera. Voilà, on en trouvera. Donc vous penserez à coup d'œil dans le rétro, en fait. Voilà. Un petit pourcentage. Réduction. Regarde là, elle essaye déjà de grappiller un petit peu de thunes. Merci Christelle. On va arriver, bonjour, j'ai 20%. J'ai ma carte jet. Christelle. Elle revient du Pérou en même temps. Ah, c'est pas le Pérou. C'est un peu normal. Hein. Bon, merci à toi Naïk. Eh bien, on va poursuivre cette émission, les amis. Alors, avec une proposition musicale, tout le monde va juste envoyer le son et vous allez me dire le titre. Classique. Hein. Voilà, c'est une catastrophe. Père et fils. Cat Stevens, père et fils, effectivement. Father and son. Il est 17h20, les amis. C'est le moment, justement, d'être un peu tranquille chez soi, si vous sortez du boulot, ou de fuir rapidement votre boulot, de mettre cette musique dans la voiture pour écouter un coup d'œil dans le rétro. Take it easy, you're still young, that's your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. I was once like you are now, and I know that it's not easy to be calm when you found something going on. But take your time, think a lot. Why think of everything you've got, for you will still be here tomorrow, but your dreams may not. How can I try to explain? When I do, he turns away again. It's always been the same, same old story. to make a change, just sit down. Alors je suppose que vous êtes en train de faire un slow dans votre voiture. Faites attention, c'est difficile de conduire en faisant des slows. C'est pas pratique non plus, mais voilà. C'est un peu le temps de l'amour, hein. C'est un peu ça le printemps. C'est un peu ça, le printemps revient. C'est un peu l'idée, effectivement. C'était Cat Stevens. Un coup d'œil dans le rétro, une fois par mois de 17h à 18h sur Fadjet 94,2 en modulation de fréquence. Ah, on est bien les amis, non, n'est-ce pas ? On est très bien. Ouais, trop bien. On est pas mal. Voilà, on se retrouve, nous, chaque mois. Maintenant, on a une belle petite équipe, je trouve que c'est cool. Hein. On est quand même quatre. On a nos invités qui viennent à chaque fois. Donc là, en l'occurrence, bah, ils ne sont pas venus à chaque fois, le Fripp Show, mais c'est la première fois. C'est le ou la Fripp Show ? Bim ! Ah là, je vous pose une question directe. Le Fripp Show. Alors, le Fripp Show, on va reprendre un peu l'investigation avec vous. Hein. On veut en savoir un peu plus. Oui, François mène l'enquête. Alors, moi, j'avais une petite question quand même. Voilà, on parle de fripe, tout ça. Je disais tout à l'heure hors antenne, ça, on en voit de plus en plus, en fait, tous ces événements qui se développent dans les villes. Qu'est-ce qui vous plaît, en fait, dans la fripe? J'aimerais bien savoir comment vous êtes venu, on en a parlé un petit peu au début, à organiser cet événement. Mais pourquoi une fripe, en fait? Qu'est-ce qui vous, ouais, qu'est-ce motive, qui vous plaît ouais. là-dedans? Je commence. Ah, ils sont, alors, on pose, attention. Hein, ok. Pour ma part, en fait, déjà, si tu veux, je ne sais pas si vous avez connu le magasin qui s'appelait Blitz. Ah ouais. Ah ouais. Non. Voilà. Non, moi j'ai. C'était une. Il y a combien de temps ça? Oula. Parce que moi, ça fait une dizaine d'années. Au moins 15 ans. Ouais. Ouais, ouais, mais moi j'étais pas là il y a 15 ans. Bah, toi, t'étais pas né. Oui. Donc c'était une friperie qui était d'ailleurs près de la rue Saint-Nic. J'ai entendu avant qu'il y avait Kilo Shop aussi ou Kilo. Ah ouais, mais rien à voir. Ouais, mais rien à voir. Blitz, c'est la base. Blitz, c'était. Tu vois le mouton électrique maintenant ? Oui. Et ben avant, c'était Blitz. Et ça, c'était une friperie. Donc, c'était friperie ouais. et bar. Ah, d'accord. C'est d'abord une friperie, après, c'est devenu frip et bar. Ah, ouais. Oui, d'accord. Voilà. Et il a revendu, et puis maintenant, c'est. Et donc, c'était un lieu que tu fréquentes. Et en fait, ouais, moi, c'était un lieu où j'allais quand j'étais gamin. Et j'ai même bossé aussi, que j'avais fait mon stage à l'époque, quand j'étais au collège. Ah, t'as fait le stage du collège ? Ouais, j'ai fait ça. Dans un bar ? Le fameux stage. Tu l'as fait dans un bar ? Ah, c'est là. Il y a eu l'autorisation pour le faire. J'ai eu l'autorisation parentale. Ah, dis donc. Et du coup, en fait, moi, c'est un peu percé mon enfance, en fait, cet univers-là, en fait. Pour ceux qui ont connu Blitz, c'était vraiment oufissime, quoi. Enfin, c'était vraiment dingue au niveau de l'ambiance. Il était vachement avant-gardiste au niveau de la mode, au niveau de ce qui pouvait se passer sur Nancy, que ce soit même au niveau des produits proposés que de l'ambiance même du magasin. Et moi, genre, en fait, j'avais vraiment envie de retrouver ça. Quand on parle de boutique, en fait, déjà en soi, moi, je pense pas à du H&M ou je sais pas si. Ouais, grave, ouais. J'ai envie de consommer autrement et j'ai envie aussi, surtout, de rentrer dans un univers. Et je pense qu'aujourd'hui, Fripp Show, c'est aussi proposer ça. D'accord. Au-delà de la fripe. Mais c'est vrai que c'est. Ah voilà, on est tous rentrés dans des boutiques, des grandes enseignes et tout. C'est complètement impersonnel ou enfin t'es pas à l'aise et voilà. Et là, moi j'aime bien aussi dans la fripe en fait cet aspect un peu convivial où tout le monde se parle et en plus en fonction du lieu, bah voilà, tu grignotes un bout, tu bois un coup, il y a un vrai échange en fait. Tu redonnes vie aussi à des vêtements qui sont pas forcément voilà. C'est ce que j'allais dire, c'est les secondes mains. Donc ouais. On arrête le gaspillage de. Et puis tous les produits qui sont uniformes dans tous les magasins qu'on voit partout. Ouais. Alors que là, nous, toutes les pièces sont différentes. C'est ça qui est intéressant, parce que tu peux vraiment faire une affaire et puis trouver un truc que personne n'a dans la rue. Quoi. Et alors, le cheminant, vous êtes frère et sœur, on l'a dit tout à l'heure. Du coup, vous êtes dit tous les deux, ben voilà, on essaye de lancer et de faire un essai où il y a quand même une idée derrière, c'est-à-dire une continuité, d'autres événements, d'autres lieux. Peut-être pas forcément rester sur Nancy aussi, je ne sais pas. Quels sont les objectifs à dire moyen terme, pardon. Moyen terme, alors on va faire une prochaine boutique le 12 mai, si je ne me trompe. Ah d'accord. À l'appart. Ouais. Ça serait sur un système d'une fois par mois, du coup. Pour l'instant, là, on est sur une fois par mois. Après, on va essayer de faire des salons, des vide-greniers, enfin, vide-greniers spécifiques. Donc, par exemple, la brocante du Parc Sainte-Marie. Ouais. Voilà. Et après, à terme, on n'est pas contre bouger aussi, parce que c'est ça qui est bien dans notre concept, c'est qu'on peut vraiment partir à l'aventure. Quoi. Ouais, si un lieu vous réclame, par exemple, admettons, demain, je vous dis, tiens, à Paris, je connais un lieu, cherche un truc, vous venez. Ah oui, complètement. Ouais. Okay. En fait, le principe, c'est que ça peut aussi s'exporter au niveau du concept. Ouais. Après, c'est vrai que la démarche de commencer à Nancy, c'est parce qu'on est tous les deux nancéens. Oui, il fallait bien débuter quelque part. Voilà. Et donc, je veux bien, mais alors, du coup, concrètement parlant, hop, vous mettez tout dans le camion et vous tracez, comment ça se passe? Bah, écoute, ouais, dans l'idée, c'est un peu ça, ouais. Ouais, c'est ça. C'est un peu ça dans l'idée. Ouais. C'est d'où le côté ambulant. Voilà. Voilà. Ouais, ouais. Ouais, c'est non, mais c'est super. En tout cas, nous, on participe. C'est beaucoup de logistique, hein, mais ouais. Oui, c'est ça, parce que c'est quand même oui, un sacré oui. orgasme. Ah, c'est lourd. Hein. Entre, entre un collectionneur de pins et vous, c'est pas la même. Hein. Non. Le stockage aussi. Oui, qu'il faut. Bah, ouais, parce que t'as le stock et t'as aussi toute la partie déco aussi, l'aménagement de la boutique. Oui, les portants. Le bar. Le bar, maintenant le bar, il est dans le bar. Tu voulais dire quelque chose peut-être, Laura? Non. Non, j'allais juste dire qu'on aura des pins quand même, malgré vous, tout. Vous aurez des pins dans vos cartons. Ah bah quand même. Mais le pin, c'est rétro et revient. Mais oui, on en a parlé. Ouais, c'est vrai qu'on avait fait une chronique. Ça, c'est pas un pin, c'est un badge. Sans transition aucune, les amis. On va poursuivre cette émission. On continue, hein. N'hésitez pas encore à intervenir. On en apprend un petit peu plus. On va aussi, savoir où à cette heure-ci vous contacter d'ici quelques instants. On vous le donnera à l'antenne. Il est 17h30, les amis. Et c'est le moment, de retrouver. Alors, Jack, il a voyagé. Hein. Il voyage. J'en ai fait, là, oui. Mais là, en l'occurrence, tu viens surtout pour nous parler d'un album en particulier, n'est-ce pas? D'un groupe en particulier. Aujourd'hui, le 17 mars, nous sommes le 17 mars, oui Yannick, et nous fêtons aujourd'hui la sortie du dernier album Spirit de Depeche Mode, et c'est l'occasion pour nous de parler un petit peu de l'histoire de ce groupe anglais, qui a quand même quelques années derrière lui. D'accord. Alors tout commence dans une ville ouvrière de Basildon, près de Londres, London pour les anglophiles, où se forme l'embryon du futur Depeche Mode. Autour de Vince Clarke, Andrew Fletcher, le premier groupe se nomme No Romance in China et recrute rapidement Martin Gore, un camarade de lycée qui deviendra le Martin Gore qui écrit toutes les musiques, toutes les chansons de Depeche Mode depuis cette époque-là. Donc ça remonte quand même pas à hier. Hein. Moi j'étais né. Mais tout le monde n'est pas dans ce cas dans la pièce. Les trois compères deviennent relativement des potes. La passion de la musique se développe autour de nouveaux instruments. Le synthé, à l'époque, c'était. Je fais très bien le synthé. Jean-Michel Jarre. Ah là, bravo. En pleine époque punk, c'était parti sur un Jean-Michel. Là, c'était le punk. Hein, donc, à cette époque, ils sont arrivés un peu comme des ovnis. Hein, le public découvre aussi les premiers groupes électroniques de la New Wave, Soft Cell, Orchestra Manoeuvre in the Dark. Je suis sûr qu'il portait des Duster en plus à l'époque. En tout cas, il ne roulait pas en Duster. Non, mais il portait. Dieu nous en préserve. Tu verras. Aussitôt, le groupe fait passer une audition parce qu'il cherchait un chanteur. Il chantait comme des patates, un peu comme moi d'ailleurs. Ah, il chantait comme des patates. Non, Martin Gore chantait en fait, vous allez voir, mais il ne se sentait pas en fait. Son truc, c'était vraiment de composer et de jouer de la gratte. Donc, ils ont aussitôt rencontré Dave Gahan, qui deviendra le chanteur emblématique du groupe quand même depuis cette époque. Pour ceux qui ont vu Depeche Mode sur scène, Dave Gahan, c'est quand même un phénomène. C'est certainement un des types les plus incroyables que j'ai vu de toute ma vie sur scène. Et bien, il faut le dire. Donc, il devient le quatrième de la bande. Et aussitôt, le nom est choisi Depeche Mode, du nom du célèbre magazine de mode français. Hein, référence au phénomène des années 70 à 80. Qui était quand même un peu la. On changeait de mode assez rapidement en fait. Tout à fait. Voilà. Dépêche-moi, il se produisait où? Alors c'était plutôt dans les boîtes. Hein, dans les boîtes au début, les cafés, genre la plantation locale. Et c'est là qu'ils se sont fait repérer en fait, hein, par le producteur de Soft Cell. Voilà, présent. Donc on revient toujours dans le même cercle. Hein. Moi je te fais confiance, hein, parce que là j'apprends en même temps. Ah, vous apprenez ça très bien. Ouais, on apprend plein de choses. Alors dès lors, tout s'accélère. Hein, ils doivent faire un choix entre bosser. Ils avaient des boulots plutôt classiques, genre banquier, étalagiste et autres dentistes. Moins fun. Et la musique. Donc là aussitôt, ils ont choisi. Hein, le premier 45 tours, Dream of Me, classé 57e dans les charts. Et surtout avec le second single, New Life, en juin 81, qui devient 11e. Donc c'est assez fort, parce qu'ils sortaient de nulle part. Ils jouaient dans les bistrots. Et quelques semaines après, ils deviennent. Dans les 20 premiers des charts anglais. Charts anglais, c'est pas le top 50 français, hein. C'est quand même un petit peu plus relevé. Et là, ta vie, elle change quand même. Leur vie change, la mienne aussi, peut-être. Hein. C'est le premier tube d'une longue série, Just Can't Get Enough, sorti en 80. Ça connaît. Là, vous connaissez. Oui, on connaît. Alors, je voudrais que ça danse un petit peu, là, s'il vous plaît. On danse. Là, ça danse. Hein. Donc, ça, c'est un titre, par exemple, qui était repris et qui continue d'être repris par plein de groupes, plein de DJ. Si on tape ce titre dans YouTube, on trouve 25 000 versions. Oui. Suit le premier album du groupe, Speak and Spell, en octobre 81. Qui était né en 81? Moi, j'avais un an. Ah, enfin, voilà. Moi donc aussi. Ça, c'est un album aussi fondateur, on peut dire, du groupe. Tout le monde s'en souvient. En 82, Vince Clarke s'en va. Il part créer Yazoo et Erasure. Vous vous souvenez d'Erasure? Absolument pas. Bon, c'est pareil, on reste dans le synthétiseur et compagnie. Ouais. Ouais, bon. Martin Gore donc, prend définitivement les commandes créatives. Donc là, il écrit absolument tout. Hein. De temps en temps, il va quand même en chanter une sur un album. Généralement une, voilà, pas plus. Hein. Qu'est-ce que je vais vous dire d'autre ? Donc, en 82, Broken Frame place le groupe au sommet des charts. Là, c'est vraiment, là, ils atteignent vraiment les sommets avec un album. Là, c'est plus seulement un morceau, c'est l'album qui est reconnu. Donc là, normalement, on va vous faire un petit extrait pendant que je parle. C'est Live in Silence sur le deuxième album Broken Frame. Vous allez voir, c'est, ça n'a rien à voir avec ce qu'on entend depuis quelques années de Depeche Mode. Hein. C'est vraiment là, on est sur sur la New Wave. C'est voilà, ça, ouais, c'est ce qu'on appelle New Wave. Maintenant, c'est tourné un peu plus pop. Et c'est en quelle année que ça a donné vraiment l'envergure pour Depeche Mode ? En 84 sort le single qui donne définitivement à Depeche Mode son envergure mondiale, hein, c'est People Are People. Ce titre permet au groupe de connaître un grand succès un peu partout sur la planète et annonce le prochain album, Some Great Rewards, qui paraît finalement à l'automne de la même année. Pareil, ça c'est un album qui est connu, reconnu par les amateurs du groupe comme l'un des meilleurs. Si on l'écoute encore aujourd'hui, c'est quand même assez électronique, très synthétiseur. Mais petit à petit, ça va s'estomper pour arriver à quelque chose de plus pop. En 86, le nouvel album Black Celebration, dont le premier extrait est Stripped, confirme l'orientation vers une musique composée sur base d'échantillonnages divers. Cet album assoit la réputation de la formation anglaise en Angleterre, hein, même si aucun single n'y atteint la première place des charts. Mais bon, là, forcément, à cette époque, la concurrence était quand même assez rude. Hein. Mais ils étaient assez créatifs et productifs, non ? Ils faisaient combien d'albums ? C'est un album par an à l'époque. Là, ça c'est plutôt un tous les deux ans, trois ans hein, en ce moment. Mais à l'époque, c'était un par an. Donc, il faut dire que c'est un boulot énorme parce que c'était album, tournée, enregistrement. Ouais. Hein. C'était quand même des mecs qui bossaient. Après, ils ont commencé à connaître un petit peu l'alcool, les filles, la drogue. Ça, c'est un petit c'est peu. C'est à cause des filles à chaque fois. C'est tellement facile. Là, dans un instant, on va vous mettre d'ailleurs People Are People en fond. Vous allez vous rendre compte, vous connaissez obligatoirement ce titre qui est encore joué d'ailleurs sur les tournées. Donc, il faisait partie du sixième album, ça ? Tout à fait, Thierry. Le sixième album paraît en 87, Music for the Masses. Il reflète la nouvelle approche musicale de la formation de Lèvres et s'ouvre sur Never Let Me Down Again. Ça, c'est pareil, c'est un gros rock qui est joué dans tous les concerts. La nouvelle tournée qui débute bientôt, hein, y a déjà des concerts privés. Mmh. Vous entendrez ce titre-là. Peut-être que moi aussi, si au mois de juillet, je me bouge et je vais y voir. C'est un album qui est célébré sur la tournée. One, c'est le concert le plus connu des années 80-90. C'est alors One, pourquoi ? Parce que c'était enregistré le 101e jour de la tournée. Ils ont quand même fait 101 concerts quand même avec des stades de 100 000 personnes. Quand même. C'est ouais, assez. Ça fait du monde quand même. C'est autre chose. Hein. C'est pas un concert de Alizé. Il y a peut-être des tranquille un peu. Elle a eu son moment de gloire aussi. Hein. Exactement. Le premier extrait du prochain album se nomme Persona Jesus. Alors celui-là, c'est pareil, il est assez connu. La génération des 30-40 ans connaît ce titre par cœur. Ça apparaît sur les ondes dès août 89. Une chanson rock construite autour d'un riff de guitare blues. Depeche Mode là où on ne l'attendait pas. Parce qu'encore une fois, ils changent complètement. Ils sont quand même partis d'une new wave très synthé. Ils arrivent tout doucement sur du rock. Ce titre-là a été pareil repris des dizaines de fois. Si vous êtes dans YouTube, vous tapez ça, vous allez voir, il y a des versions de partout. Depeche Mode en a fait même au moins une dizaine. Mais il vient d'où ce titre ? Alors ce titre, d'où est-ce qu'il vient ? À votre avis, Personal Jesus. Bon, ben, je vais vous le dire parce que personne ne trouvera. En fait, la femme d'Elvis l'appelait mon Jésus personnel et Martin Gore l'avait lu quelque part. La femme d'Elvis l'appelait mon Jésus personnel, mais l'appelait qui mon Jésus personnel ? Elvis. Bah Elvis. Oh, ça va. Ah ouais, bah, ouais. Dieu viens là. Je t'ai fait un cassoulet. Ouais. Non, je pense que c'était un petit peu plus. Bref. Pip. Le petit Jésus. Ah le petit Jésus. Allez dégueulasse. Donc Persona Jesus connaît un grand succès international, puis vient Enjoy the Silence qui inscrit définitivement l'album Violator dans la légende. Pour moi c'est le meilleur, pour beaucoup d'ailleurs. La pochette noire avec une rose rouge, tous les clips tournés par Anton Corbijn qui est un célèbre réalisateur néerlandais de génie. Depuis les albums s'enchaînent régulièrement. Le dernier donc sort aujourd'hui. Ok, aujourd'hui. Tu vas foncer pour l'acheter. Ah, mais il est déjà. Fan, il est sur Deezer. T'es un fan invétéré. Ouais, je suis assez non, fan. Il faut l'acheter. Ouais, j'ai eu la chance parce de. Parce que tu as quand même des gouttes de sang qui sortent de tes yeux quand t'en parles. J'en ai fait. Donc, non, ouais, ouais. Ouais. Je pense c'est vrai. J'ai eu la chance de faire deux concerts en trois jours, mais là, une année. Ils sortent un album. Ouais, la tournée. Donc, tournée. Ouais, c'est juillet à Paris, au Stade de France. D'accord, voilà. Alors, moi, j'aimerais bien aller le voir ailleurs, en fait. prix des places. C'est-à-dire où ça va, c'est 100 balles quoi. Tu vas aller le voir où? Bah j'en sais rien, faut que je regarde un petit peu. Dans un autre pays quoi. Ouais, dans un autre pays. Voilà, tu vas. Non, mais je sais pas, peut-être en Allemagne ou un truc comme ça où ça bouge un peu plus. Tu vois, il peut plus se retenir de voyager. Mais non, mais c'est dingue ça. Faut qu'il prenne ses valises. Non, non, mais j'ai vu les Stones au Stade de France et l'ambiance était bof. Ok. Et enfin, ouais, le public français. Pourquoi alors? Pas le public. Ouais, le public donne pas assez le feu et. Enfin, si, j'ai bien aimé à Bercy, je l'avais vu à Bercy, c'était assez fou. Mais voilà, j'aimerais bien aller voir l'étranger en fait. Eh bah, ben, tu nous d'accord, diras un bah, peu, tu feras voilà. Un retour sur le. Retour sur investissement. Et puis, on va s'écouter tout de suite justement le petit Jésus. On va parler le petit Jésus, Persona Jesus. Dépêche Mode. Alors, je suis pas sûr que ça soit flatteur pour Elvis, hein, petit Jésus. Je ne sais pas, on peut pas lui demander, le pauvre. Je sais pas maintenant. Bah, peut-être que. Non, j'allais dire une bêtise. Eh bien, on va allez, Persona Jesus, c'était sur Violator 1989. Il n'y a pas de sexualité dans cette émission, ok? C'est un coup d'œil dans le rétro, les 17h40, les amis. Écoutez ce titre parce que Jack vous le propose. Je le vis. Jack, le passionné, c'est Dépêche Mode. Je vais danser. Dépêche Mode. Un coup d'œil dans le rétro, une fois par mois de 17h à 18h sur Fadjet 94,2 en modulation de fréquence. J'ai un accent anglais à couper au couteau. J'ai l'impression, là, oui, c'est triste. C'est triste. Alors, les amis, j'espère que vous allez bien. Vous êtes chez vous, très certainement, ou ailleurs, je ne sais pas. Mais en tout cas, vous nous écoutez, on vous en remercie. Un coup d'œil dans le rétro. Peut-être aller faire un petit tour aussi du côté de notre page Facebook. On remet en podcast les émissions, hein, chaque mois. On a aussi les émissions qui sont en podcast sur le site www.fadjet.net. Et vous pouvez nous retrouver aussi sur Instagram aussi. Et aussi, c'est vrai sur qu'on n'en parle pas suffisamment. Ouais. Et le blog aussi. Et on le parle blog. Pas de blog. Oui, oui, oui. On a tellement de choses. On vous en parle pas aussi le blog qui s'appelle Jack. Voilà. Bonjour. Le... Voilà, voilà, le blog. Le blog s'appelle Coup de rétro. Le blog, tout simplement. Blog, à la fin, voilà. Voilà. Mmh. Donc voilà, n'hésitez pas, il y a des petites infos, c'est mis assez à jour hein, quand même. Alors, sur les, on relaie aussi. Oui, hein. On relaie un peu des fois les chroniques voilà, abordées lors de l'émission. Et puis, bah, des fois, il y a Jack qui nous fait des petits articles aussi sur, voilà, sur des petites choses. Alors hein. Je vais lancer quelqu'un maintenant sur une musique qui est très connue. Tout le monde connaît ça. Choli Moustifo. Bon, c'est quelle langue ça? C'est apparemment, c'est du brésilien. C'est vrai? Oui. Alors, tragique disparition de Kaoma, hein, oui, malheureusement, qui a péri dans sa voiture brûlée. Hein. Oui. C'est horrible, hein, oui. C'est terrible. Enfin, ça, j'en ai pas parlé. Enfin, je voulais pas en parler. Bah, trop tard, voilà. Et bah, c'est fait. Je voulais que ce soit fun, que ce soit coloré, t'as tout gâché. Ah, bah, je t'ai plombé le délire. Ah, bah, c'est coloré, là. Je t'ai plombé le délire, mais c'est vrai que c'est coloré. C'est peut-être un petit peu trop. Stop! On arrête. On arrête, on va trop loin. On va trop loin. Alors, justement, pourquoi? Alors, tu vas nous dire peut-être pourquoi la lambada. Alors, toi, tu voyages aussi. Maintenant, tout le monde se met à voyager. Je ne sais pas où ils vont pognon, ceux-là. Hein, mais ça part en voyage, ça y va, du Pérou, du Paname, de l'Australie, de l'Allemagne. Moi, c'est Jarvilou de Montycourt. Et puis voilà, c'est tout, c'est les vacances. Hein. Alors moi, n'en parlons pas. Pianaïque, elle va un peu à essai. Voilà. Je fais des allers-retours, en fait. Donc vous nous faites plaisir, mais il faut arrêter, quoi. Hein, parce que vous partez. Je suppose que le Pérou, c'était bien. Non. Bah alors, tu vas nous en dire non, un petit peu. Non, mais c'était horrible. Je vais raconter la lambada, parce que du coup, le voyage était nul. Non, t'étais bien. Non, c'était très bien. Alors, donc j'étais au Pérou et en Bolivie. Ouais. Et j'en ai appris une bien bonne sur la lambada. Ah, ouais. Ah bon, c'est ouais. Ah oui, alors ouais. C'est quoi Est-ce que vous vous souvenez du coup de ce tube qui a cartonné en 89? Bah oui, on est en train de l'écouter. Ah bah oui. Moi j'avais le. Alors donc il y avait le petit. Là, c'est ouais, le petit. Le petit voilà. Elles avaient des petites jupes là. Il y avait la petite blonde, la petite blonde avec les cheveux hyper longs là. Et puis. Le petit mec aussi. Il dansait bien avec les petits mecs. Ouais, mais il a 40 ans maintenant. Le petit black, il a plus de 40 ans, il a bien 60 balais lui, non? Ah bah non, la chanteuse elle est décédée à 63. T'as un problème contre les mecs des 40 balais ou quoi? Non, j'ai rien contre. Donc du coup, dis-nous un peu plus. C'est une danse qui vient du Brésil. Ça a été rapporté par des producteurs français. Et c'est chez Choli Moustifo. Non mais t'es ça. T'es sûr de ça? Je suis pas très sûre. Est-ce que t'es, j'ai essayé de traduire. Est-ce que Aimé Chola aussi est Aimé Chola. Donc c'est un mélange de reggae, de salsa et de merengue. D'accord. Ouais, donc déjà c'est. Le titre a donc cartonné en 89. Oui. Et il est resté classé en France pendant 27 semaines. Truc de fou. Ouais, et ils se sont fait un peu de pognon ou pas du ils tout ils ont vendu, je sais pas, parce que certainement qu'ils ne sont juste que les interprètes et pas les compositeurs ni les auteurs. Donc je crois que c'était TF1 Production. Oui, donc. Donc avec ça, ils ont construit une tour à Boulogne. Rien, une pacotille. C'est les premiers, c'est finalement les premiers un peu tubes de l'été. Hein, parce que pendant très longtemps, il y avait les tubes de l'été. Maintenant, ça n'existe plus aujourd'hui. Aussi, oh, quand même. Non, c'est pas désigné comme tel. C'est pas désigné comme tel. Ça passait à la télévision. Moi, j'avais fait une chronique là-dessus, justement, sur tous les tubes de l'été. Ça s'est arrêté aux alentours des années 2000-2002. Après, il n'y a plus de tubes vraiment de l'été. On s'en est rendu compte après l'été. On s'est dit, bah tiens, ça c'était le tube de l'été, ça c'était le tube de l'été. Là, il faut deviner maintenant. C'était défini en tant que tel et puis c'était assez exotique en général. Tic tic tac, picho. Voilà, on était un peu là-dedans. En fait, depuis quelques années, c'est un peu remplacé par les tubes lors des Coupes du Monde, Coupe d'Europe, JO et compagnie. En fait, il y a toujours un tube qui. Voilà. Bon, alors la lambada, parce qu'elle veut nous faire voyager, la bichette, quand même. Du coup. Cette musique-là continue à évoluer vers la lambada zouk maintenant, au Brésil. La lambada zouk ? Ouais, lambada zouk. Bon, ok. Et du coup, je vais vous parler des origines qui sont un peu inconnues. Ah. Donc, le mot lambada signifie coup de fouet en brésilien. Je trouve ça pas mal déjà. D'accord, coup de fouet, oui, ça va avec. Ça va avec. Mais ce que ne dit pas l'Internet mondial, c'est l'origine de la lambada. Ah bon ? L'origine vient de Bolivie. Et oui. Et... Dans le village de Tocania, il y a une minorité qui y vit, ce sont les Afro-Boliviens. Et donc, toi, tu y as été là-bas, en fait? Ouais, je suis allée à Tocania. Ouais. Et du coup, ce sont des anciens esclaves de l'époque coloniale. D'accord. Du 14e siècle au 19e siècle, j'ai été m'enseigner. Alors, c'était comment l'esclavage à ce moment-là? Alors, durant cette période, des milliers d'esclaves noirs sont acheminés vers le Haut-Pérou, qui devient la Bolivie. Allez savoir pourquoi. En provenance de l'Angola et du Congo. Et ils sont utilisés à Potosi, donc c'est un autre village, qui est un centre minier d'argent. Donc, ils vont bosser là-bas. L'esclavage fut supprimé ensuite par Simón Bolívar. Bolívar. En 1816 et réinstauré par le gouvernement de Santa Cruz, une autre ville, et enfin définitivement aboli. Enfin. Après la suppression de l'esclavage, les Afro-Boliviens vivent toujours dans cette région et du coup, ils vivent de la culture d'agrumes, de café, de bananiers, de manioc, de maïs et de la feuille de coca bien connus là-bas. Mais ils sont toujours dans une situation d'extrême pauvreté à nos jours. Donc voilà, ça c'est pour la petite histoire. Du coup, nous revenons à la lambada parce qu'on se demande c'est quoi le lien. Donc les Afro-Boliviens, eux, pratiquent la saya. C'est un mélange de musique, de danse, de poésie et de rythme qui parle d'esclavage essentiellement. Aujourd'hui, la saya, elle fait partie des danses boliviennes. C'est vraiment intégré à la culture bolivienne là-bas. Et ça fait partie aussi des éléments du patrimoine bolivien. D'accord, patrimoine culturel. Ouais, ils ont réussi du coup à créer un mélange entre tout ce qui est culture africaine et la culture bolivienne. Par exemple, quand on les voit danser, du coup, ils sont tous black. Ouais. Et ils portent les costumes traditionnels boliviens pour danser la saya. D'accord. Voilà. Tu nous feras une petite danse et puis Jack filmera. Et on t'as appris à danser du coup un peu là-bas? Non, t'as pas dansé, du tout. J'ai pas vu la danse, la saya. Ah, d'accord. Ouais. C'est en faisant une petite balade du coup dans le village de Tocania jusqu'aux cultures de feuilles de coca que le guide nous racontait tout ça. D'accord. Combien de temps t'es partie déjà? 3 semaines. Ah oui, quand même. Ouais. Et donc, t'as aussi encore une révélation à nous faire sur ça? Oui, donc du coup, la saya, la lambada, quel est le lien? C'est qu'en fait, la lambada était directement inspirée de la saya. Ils ont volé? Ouais. Alors en fait, la lambada, elle a violé les droits d'auteur de la chanson Llorando se fue. Ouais. C'est d'un groupe bolivien qui, eux, se sont inspirés de la saya originale des Afro-Boliviens, des anciens esclaves. Voilà. Et la flûte de pan a été remplacée par l'accordéon. Ah bon? Bah voilà. Ah oui, c'est l'accordéon. Oui. Donc d'accord, du coup, c'est une petite usurpation. Enfin, ils ont volé. Ah, d'accord. Petite, ils ont quand même vendu des millions d'albums avec leur truc. Oui, mais bon, voilà. Après, c'est le jeu, oui. C'est, D'accord, et elle nous a cloué, celle-ci. Ah, c'en était une bonne, je l'avais dit. Ton voyage fut bon. Oui, super. T'as envie d'y retourner? Ah ouais, j'arrête pas d'écouter de la musique de là-bas. C'est vrai? Donc t'es un peu nostalgique, là? Non, ça va. C'était très inspirant. Je suis en train de faire une petite collection enfant, du coup, avec du tissu péruvien. D'accord. Ça va être chouette. Ah, bah c'est bien. Future création. D'ailleurs, on le rappelle, aussi ta petite promo, Christelle Youplaboum. Je suis styliste illustratrice. Vous pouvez venir me voir à l'atelier des couleurs au 100 rue Jeanne d'Arc. Voilà. Et je serai à Talent de Femme le week-end prochain. Le week-end prochain, peut-être que vos enfants seront habillés avec des petits ponchos prochainement. et des grands chapeaux mexicains. Le mec qui va dans tous les trucs. Bah tiens, en parlant de ça, un autre qui me fait penser au Mexique, je ne sais pas pourquoi. Tout le monde le connaît. Assure, non? Ah bien, ouais. Alors c'est l'autre idée, c'est pas la lambada, mais c'est la bamba. Bon, on est un peu sur les mêmes consoles, les mêmes voyelles, je ne sais pas. Ritchie Valens, c'est un titre de 1958, les amis. C'est un coup d'œil dans le rétro, on est encore ensemble pour une petite dizaine de minutes. Profitez du moment parce que nous, c'est clair. Donc je le disais tout à l'heure, c'est un titre de 1958, bien sûr, que tout le monde connaît. Un coup coup d'œil dans le rétro, une fois par mois de 17h à 18h sur Fadjet 94,2 en modulation de fréquence. Alors ça rit hein, dans les studios, ça prend des photos, ça s'amuse, on sait, qu'est-ce qu'il y a? Vous avez fait quelque chose? Vous, faites-moi participer, non, je suis tout seul derrière mon comptoir. C'est Anaïs qui prend des pauses pendant les photos parce qu'elle assume pas... J'assume pas quoi? Voilà, voilà l'ambiance, voilà le délire les amis, on s'éclate hein, pour tout vous ça dire. Peut c'est, aller ça loin. N'est que du gaffe. Mensonge, on ne s'aime pas. Mais on vous aime, c'est bien le principal. Donc oui, il y a plein de photos qui sont faites, n'hésitez pas à aller sur la page Facebook, vous allez les retrouver tout de suite en direct live. On va passer un moment aux sorties bien sûr d'ici quelques instants et on va reprendre eh bien, l'équipe du Fripp Show, c'est Laura et Adrien donc, qui je le rappelle lancent leur première friperie ambulante éphémère. On dit les deux ou on dit juste friperie ambulante? On peut dire les deux. On peut dire les deux, qui a lieu le 8 avril de 14h30 à 20h30 et ça se passe eh bien, à la plantation. L'adresse de la plantation c'est près de la gare à Nancy, je n'ai pas l'adresse. Ouais, c'est 8 rue Raymond Poincaré. Ah bah tiens, juste on n'a pas trop parlé aussi du fly, donc vous le distribuez un petit peu partout. La créa est sympathique, il y a un côté pour le coup vintage. Je sais que toi tu es tatoué Adrien, ouais. t'as pas quelque chose dans le genre ou un inspiration? Ouais, montgolfière en plus, sur l'avant-bras. Sur l'avant-bras, donc c'est aussi est-ce que c'est aussi le rétro ou la friperie hein, bon, en plus d'être un art de vie aussi, le tatouage peut faire partie de ce genre de choses? Ouais, complètement, ouais. Plus tard d'avoir un tatoueur éphémère peut-être, ouais, c'est compliqué à mettre en place, mais ouais. Dans l'idée oui, ça serait super cool. Ça serait cool aussi. Alors, si on est potentiellement aussi des exposants, vous contacte. Ouais, en plus, j'allais en parler du coup. Vous écoutez cette émission, ouais, et que vous êtes artiste, que vous faites aussi, si c'est encore mieux, si c'est dans le rétro, ouais. Nous, on est carrément preneurs. N'hésitez pas à prendre contact avec nous parce que le but, c'est de faire un maximum d'événements dans le court terme, ouais, enfin, le moyen terme. Ouais. Et du coup, vous pouvez nous contacter et pourquoi pas faire des choses ensemble. Donc c'est ça qui est sympa, c'est aussi de mettre en avant un peu les artisans locaux, les artistes locaux. Et le travail en réseau, en fait, c'est ça qu'on a envie de valoriser un maximum. Alors les artistes aussi, mais aussi peut-être les gens qui ont des lieux en fait sur Nancy, qui seraient intéressés aussi par le concept Fripp Show, qui souhaiteraient aussi vous recevoir dans leur établissement. Comment on peut vous contacter? Comment on trouve tout ça? Alors, on a une adresse mail, ouais, donc c'est Fripp Show, donc Fripp, ça s'écrit F-R-E-A-P, show comme le spectacle, @gmail.com. D'accord. Et on a une page Facebook donc, qui s'appelle Fripp Show. D'accord. On relaie nos événements à chaque fois qu'on en fera. D'accord. Et donc si on a un lieu aussi insolite, un peu drôle, un peu original, vous êtes partant. Ça, carrément. Carrément. Ça serait l'idée aussi, c'est encore mieux. Donc on vous donne rendez-vous bien sûr le samedi 8 avril de 14h30 à 20h30 et on relaiera bien sûr l'événement sur notre page Facebook. On poursuit un petit peu sur les actus et les sorties au niveau local. Anaïk, je crois qu'il y en a pas mal. Il y en a pas mal, effectivement. Donc dimanche, vous avez la foire au disque. Donc à l'autre canal, hein, dans le cadre de leurs 10 ans, donc ça se passera de 10h à 18h dans les murs du hall Renaissance. Donc l'entrée est libre et gratuite, donc allez-y, vous pouvez peut-être dénicher des vinyles rares. C'est ça. Et dimanche, toujours dimanche, hein, bien sûr, c'est le lancement. Alors, l'Anvers Club a modifié complètement, hein, ouais, donc c'est un lieu aussi de création artistique. Je crois qu'il y a aussi, on peut faire du skate, il y a une rampe, je crois, à l'intérieur. Enfin, il y a pas mal de choses. Maintenant, depuis quelques temps, ça a réouvert. Ça n'est plus une discothèque comme ça l'était. Et ils lancent les Happy Sunday. Et donc, là, en l'occurrence, ce dimanche, de 13h à 20h, il y a un vide dressing, un grand vide dressing avec aussi de nombreux vêtements, accessoires, bijoux pour les filles et les garçons, des meubles vintage, de la peinture, de la gravure. Tout ça autour d'un brunch. Il y aura aussi différents stands dédiés au bien-être, c'est ça Naïk? Oui, au bien-être, à la beauté. Vous avez aussi maquillage, tatouage en fait. Voilà, l'entrée est gratuite, donc pourquoi pas de passer un dimanche là-bas. Ce dimanche 26 mars à 15h à l'espace Images et Sons de la médiathèque Manufacture de Nancy, eh bien il y a un petit un auteur, un compositeur, un interprète de génie qu'on aime passionnément, c'est Gainsbourg. Et donc là, c'est Trio Gainsbourg des années 50 avec un spectacle proposé par Vincent Houplon, Nicolas Dionis et Sylvain Asselot, avec des chansons parfois peu connues de Gainsbourg du tout début, c'est ça? Du tout début, en fait, dans les années 50, voilà, où il a arrêté la peinture parce que Gainsbourg était aussi un peintre. Hein, et en fait, il a commencé à se consacrer à la musique. Et donc, c'était ses premières compositions musicales. Il a brûlé toutes ses peintures, d'ailleurs. Ouais, et et on connaît pas forcément voilà les premiers les premières compos. Les premières compos. Mmh. Dimanche 2 avril, alors on est toujours dans les vide-greniers, mais là c'est pour le coup c'est le quatrième vide-grenier du Geek. Pour ceux qui aiment les jeux un peu vintage, organisé par les bénévoles du café La Fin de l'Ours de 10h à 17h à la salle des fêtes de Gentilly et non plus à la MJC ou le gymnase Bazin. Donc pour vendre, acheter, troquer vos consoles, jeux vidéo, BD, animation et restauration sur place. Toute la journée, les entrées l'entrée est gratuite. Vous avez la possibilité aussi en tant qu'exposant de les contacter sur vgdg.nancy@gmail.com. Et le mercredi 5 avril, bah, vous pouvez aller à la soirée donc, autour du ska et du jazz à l'autre canal, toujours de 20h30 à minuit. Donc, au programme, en fait, c'est deux grands orchestres dans les traditions un peu des big bands avec 34 musiciens sur scène. Donc, ça, ça peut être valable. Vous avez les billets disponibles donc, sur digitic.com et les prix donc, en prévente sont aux alentours de 10€ et sur place 13€. Donc, pourquoi pas aller faire enfin, un petit tour. Et enfin, nos petits préférés qui sont venus, bien sûr, aujourd'hui bah, participer à l'émission avec nous. On le rappelle, friperie éphémère, Frip Show. C'est vous. C'est nous. Vous. L'entrée est libre. C'est vous. 8 avril. Guest, surprise, tout viendra à qui attendre sur la page Facebook d'ici le 8 avril. Rendez-vous au bar La Plantation, 8 rue Raymond Poincaré à Nancy, de 14h30 à 20h30. On vous souhaite en tout cas tout le meilleur pour cette première longue édition. Longue vie, merci après beaucoup. Ça va être un vrai show. Pour cette première édition. Et tu participes d'ailleurs, toi, Christelle, tu irais faire un petit tour. Ah, je vais aller voir, oui. Tu vas aller voir, nous aussi, on viendra voir. En tout cas, vous, aurez, vous nous avec verrez. Avec grand plaisir. Merci en tout cas d'avoir participé à cette émission, pardon, mais malheureusement, il est venu le temps de la terminer. Il est 18h. Hélas. Quoi, le prochain rendez-vous? Le prochain rendez-vous, la date du prochain rendez-vous. Bah oui, tu l'as pas en tête. Bah, je l'ai pas en tête. Troisième vendredi de chaque mois. Est-ce que ça va pas tomber pendant les vacances scolaires cette année? Si, je crois bien. Bien sûr. Donc on va vous redira. On vous redira cela. N'hésitez pas à nous suivre encore une fois sur les réseaux sociaux. L'émission sera en podcast dès lundi si vous souhaitez la réécouter. On vous souhaite une belle fin de journée. Un bon week-end. Week-end. Un bon week-end. Et à bientôt, les amis. Les programmes continuent sur Fadjet. À bientôt. Ciao.